Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Musée mémorial du terrorisme, rendre hommage aux victimes. Le temps de l'attentat est court, très court, celui de l'explosion d'une bombe. Une soudaineté et une brutalité qui nécessitent un temps plus long, celui du passé, pour saisir comment cet attentat fut possible et dans quelle histoire il s'inscrit. Un temps long aussi pour réfléchir à l'après-attentat, à la mémoire de l'acte terroriste dont les victimes doivent être prises en compte. Toutes les victimes, ceux et celles qui ont été tués, les blessés, bien sûr, les familles et plus généralement l'ensemble de la nation. Le temps aide, mais on n'oublie pas. Et j'ai pas envie d'oublier. Parce qu'il y a cette transmission. Et que c'est important. Et c'est pas du tout pour me victimiser, c'est pas... Non, allez dire les choses. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas témoigner. À qui on a enlevé tout droit de réponse. Il y a des gens pour qui aussi ça reste trop dur. Alors si on a un peu de force pour y aller, ben autant y aller, quoi. Je pense que le jour où je vais témoigner, ça va pas être une belle journée, hein. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'après. Une fois que ça sera posé. Une fois que ça sera vécu. Bon. Voilà. C'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? C'est la meilleure question que Franck posait. Franck Rescapé du Bataclan, présenté sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, c'était en 2021. Bonjour Henri Rousseau. Bonjour. L'attentat est un objet pour l'historien. C'est un objet d'étude. À partir du moment où il y a une réflexion sur un musée mémorial du terrorisme, quelle est l'ambition d'un tel projet ? Écoutez, le témoin qu'on vient d'entendre le dit très bien, c'est-à-dire il dit dire les choses. Alors évidemment, dire les choses, c'est d'abord en ce qui concerne la parole du témoin, mais c'est un peu prétentieux, mais c'est quand même l'objectif fondamental, donner du sens. Donner du sens à ce qui parfois est extrêmement difficile à comprendre. Et c'est toute l'ambition de ce projet, qui est à la fois un mémorial et un musée. Alors, oui. J'anticipe peut-être sur la question, mais... Allez-y, parce que j'allais vous poser la différence. Qu'est-ce que le mémorial, qu'est-ce que le musée dans cette histoire ? Alors, c'est simple à comprendre. Le mémorial est un lieu d'hommage aux victimes. Ce sera un lieu où seront recensées les victimes décédées depuis 1974. Je reviendrai sans doute sur le choix de cette date. Donc, c'est un lieu de recueillement. Le musée, c'est autre chose, c'est un lieu d'explication, c'est un lieu de présentation, c'est un lieu d'émotion. Et nous avons tous ceux qui ont participé à ce projet depuis le début, qui maintenant a été lancé fin 2018, début 2019, avions le sentiment qu'on ne pouvait pas se contenter seulement d'un mémorial. Pour une raison au fond assez simple, et j'étais le premier comme historien à m'en rendre compte, puisque c'était pas mon sujet au départ, c'est que c'est une histoire qui à la fois, c'est un phénomène d'amorté extrêmement présent dans nos sociétés, c'est presque une banalité de le dire, c'est un phénomène extrêmement diversifié, il y a différentes sortes de terrorisme, c'est un sujet difficile à appréhender, et c'est un sujet mal connu. Et donc l'idée de ce musée, c'est de dire on ne va pas se contenter de faire un devoir de mémoire, puisque bon, c'est l'expression consacrée, et ma foi, pourquoi pas. Mais on va faire quelque chose de plus, on va essayer de donner à la fois du sens, de remettre ces attentats, cette histoire, il n'y a pas que les attentats dans l'histoire du terrorisme, dans une durée significative, et on va essayer de prendre de la distance, enfin... On va faire de l'histoire, enfin, pour être simple, c'est presque scolaire ce que je dis là, mais pourquoi pas, encore une fois, c'est la mémoire et l'histoire. Elles ne sont pas en opposition, mais au contraire, dans un site qui tente de leur donner une véritable harmonie. Oui, c'est ça. Les deux angles majeurs, et vous venez de les verbaliser de manière très claire, c'est cet hommage aux victimes et donner du sens. Moi, je retiens ça, hein. Se poser, prendre du recul, utiliser l'histoire, faire de l'histoire tout simplement avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Denis Péchanski, bonjour. Bonjour. Musée, mémorial, Henri Rousseau nous a bien défini de quoi il s'agissait, du terrorisme. Et là, on peut aussi s'arrêter un moment sur ce mot, le terrorisme, extrêmement complexe à définir. Très complexe à définir, mais il y a plusieurs clés qui permettent, par comparaison internationale, par exemple, par analyse des comportements, ce que peut être un acte terroriste qui vise à terroriser une population, une société dans son ensemble, à remettre en question, finalement, les fondements même de la société dans laquelle on se trouve, en visant en particulier des populations, non pas celles qui sont porteurs de la force en quelque sorte, mais soit des policiers ou des militaires, mais plus généralement des civils. Et parce que l'objectif est bien de terroriser, comme son nom l'indique, autant partir du mot. La parole de l'historien, de l'historienne, est très importante ici parce que pour ce mot terrorisme, il y a plusieurs définitions. Il y a une définition juridique, des définitions qui varient selon les pays, et puis il y a la définition donnée par le chercheur. C'est plutôt celle-là qui est mise en avant avec ce mot terrorisme dans ce musée mémorial. Alors oui et non, c'est une très bonne question, parce que c'est évidemment la question à laquelle on s'est attelé quasiment depuis le début, c'est la première objection, vous ne pouvez pas, enfin j'exagère un peu, faire un tel musée, puisque de toute manière on ne peut pas définir le terrorisme, c'est pas parce qu'on ne peut pas définir une notion qu'on ne s'y intéresse pas, enfin au contraire même. Donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est que le projet de ce musée n'est pas d'imposer une définition, une manière de voir le terrorisme, il y en a beaucoup, mais d'expliquer justement qu'il y a problème. Le rôle de l'historien, c'est pas de dire que c'est complexe, c'est d'élucider la complexité, de la simplifier d'une certaine manière, a fortiori dans un musée qui est destiné à un grand public. Cela étant, même s'il y a débat sur la définition, il y a quand même quelques accords. Enfin, il y a d'abord une définition juridique, vous l'avez rappelé, qui est très importante pour nous. On y reviendra peut-être, parce que la dimension judiciaire dans le musée est très présente, pour des raisons très particulières, compte tenu des choix que nous avons faits. Et puis, il y a quand même des définitions sur lesquelles on peut s'accorder. Je vais reprendre un peu ce que disait Denis Péchanski, mais par exemple, ce qui fait plus ou moins l'unité de différentes formes de terrorisme, parce que c'est l'objet du musée de s'occuper du terrorisme politique, du terrorisme régionaliste, du terrorisme évidemment religieux avec le terrorisme islamiste, qui est le plus important aujourd'hui. Il y a évidemment des points communs. C'est un mode opératoire, c'est très important. C'est un mode opératoire, en général, pas toujours d'une violence extrême, d'une violence spectaculaire, c'est absolument fondamental. Depuis le 19e siècle, la théorisation par les anarchistes, la dimension spectaculaire, on dirait aujourd'hui très médiatisée, est fondamentale, le 11 septembre, qui est souvent, et ça aussi c'est quelque chose de très intéressant, parce que c'est très difficile à appréhender, souvent limité dans les moyens utilisés, un cutter, enfin je simplifie hein, évidemment, avec des conséquences hors de proportion, les tours jumelles, et qui effectivement cherchent à déstabiliser un système, état ou société, avec une particularité, là je reprends ce que disait Denis, sur parce que nous nous intéressons surtout à un terrorisme en temps de paix, il y a un type de terrorisme qui est d'une autre nature en temps de guerre, mais nous sommes plutôt sur le terrorisme en temps de paix, avec une façon de voir les choses, c'est une forme de violence de guerre en temps de paix. C'est la question des cibles. Dans un acte terroriste, il y a souvent deux cibles. La première, c'est celle qu'on va viser directement. C'est ceux qui sont à la terrasse des cafés, les spectateurs du Bataclan. C'est la cible directe. Mais derrière ce qui est visé, c'est pas évidemment cela, c'est autre chose. C'est l'État, pour qu'il réagisse ou surréagisse. C'est la société, pour qu'elle soit déstabilisée. Il y a toujours cette notion que la première victime, celle qui est la plus visible, celle qui va évidemment le plus souffrir de l'attentat, n'est pas la seule. Et c'est pour ça, c'est d'ailleurs le sens même du projet. Tout attentat, quel que soit le nombre de victimes, vise, enfin, en tous les cas, pour les années, pour le terrorisme contemporain, vise toujours la nation. La nation, au sens, c'est la communauté dans son ensemble, c'est la collectivité dans son ensemble qui est touchée. Et c'est pour ça qu'on veut faire ce projet, qui est un musée mémorial qui a une dimension nationale. Très important ce que vous dites là, parce que il y a les victimes qui décèdent au moment de l'attentat, il y a les blessés, mais tout le monde est victime avec un degré moindre, on le sent bien, mais l'ensemble de la nation est victime. Notre ressenti, il est là, hein, dès qu'on évoque l'attentat, on l'a senti comme une blessure. Denis Péchanski, on peut peut-être réfléchir aussi à ce qui n'entre pas dans le cadre de ce musée mémorial. Henri Rousseau évoquait tout ce qui concerne le temps de guerre. C'est pas ce type de terrorisme qui vous intéresse là. Ça peut être pris en compte pour la réflexion historique sur ce qu'est le terrorisme. Mais c'est pas celui-là, c'est plutôt celui qui s'attaque aux populations civiles en temps de paix. Oui, qui s'y attaquent directement ou indirectement, encore une fois. Ce sont à la fois des cibles, mais au-delà de ces cibles-là, c'est la société dans son ensemble qui va être traumatisée. Et donc, en temps de paix, ce mode opératoire, comme le disait très bien Henri Rousseau, vise deux niveaux. Et à la limite, le plus important pour eux, c'est le deuxième niveau, c'est-à-dire arriver à déstabiliser un État, une société. On l'a très bien vu pour les attentats du 13 novembre 2015. On l'a très bien vu pour les attentats de janvier 2015. Donc c'est toujours le même dispositif. C'est pourquoi j'étais très frappé. Vous avez pris comme illustration de cette émission ce slogan « Même pas peur » sur la place de la République. C'est très frappant parce que vous discutez un peu avec les victimes, avec ceux qui ont vécu ça. Ils sont horrifiés par ce slogan qui était réel. Hein. C'était évidemment pas une invention. C'était bien un slogan qui était affiché sur la place de la République, sur la statue. Mais bien sûr que la peur est présente tout le temps. Et heureusement qu'elle est présente. Il s'avère que dans le programme que je copilote là sur mémoire du 13 novembre, on demande aux Français, on interroge les Français régulièrement, c'est un des pans de notre programme, avec le Crédoc, on les interroge sur quels sont les sentiments, les premières conséquences. En quelque sorte, les conséquences de ces attentats, les sentiments qui vous viennent tout de suite à l'esprit. Eh bien, depuis 2016, depuis le premier sondage qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, en premier et de très loin, c'est la peur qui sort. C'est la peur. Alors, dire « même pas peur » est quand même très problématique quand on voit le résultat. Et je dirais, heureusement que la peur est là. Parce que la peur est aussi un facteur de mobilisation. Donc là, on est dans l'ordre du slogan et pas dans l'ordre de la description de la réalité. La peur évoquée fait un écho à la terreur qui est la nature même du terrorisme, Henri Rousseau. Ah, tout à fait. Oui, bien sûr. Et je rejoins entièrement ce que dit Denis. Je dirais même, ce projet de musée mémorial, bon, nous l'avons présenté comme une forme de résistance culturelle. Alors, on l'a mis dans notre projet scientifique et culturel, et ça vient de la mission de préfiguration. J'insiste sur ce point, donc celle que je préside. Ça n'est pas l'idée qu'un musée mémorial va lutter contre le terrorisme, soyons sérieux, bon, ce n'est pas l'objectif. En revanche, il va lutter contre un de ses effets, en tous les cas une de ses intentions majeures, qui est, alors, terroriser, mais terroriser, ça veut dire quoi? On parle toujours, par exemple, après un attentat majeur, enfin, la plupart des attentats, d'ailleurs, de sidération. Ça veut dire que ça nous empêche de penser. On est là, la peur, c'est une des premières manifestations de la peur, c'est que vous êtes dans la sidération, vous êtes dans l'impossibilité parfois d'agir, et vous êtes dans l'impossibilité de penser. Rappelez-vous l'atmosphère du 13 novembre, enfin, que nous avons tous vécu, hein, au soir. Hein, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, mais le sentiment que Paris est littéralement assiégé. Bon. Un musée mémorial du terrorisme, et là je reviens sur cette distinction que je faisais tout à l'heure entre le mémorial et le musée, là c'est bien entendu surtout la partie musée, vise à prendre de la distance, c'est-à-dire essayer de gérer cette peur. Gérer, enfin le terme n'est pas très heureux, mais en tous les cas de faire avec, de la maîtriser, voilà c'est plutôt ça. C'est pour ça que par exemple on a d'entrée de jeu, alors que le musée est on va à peine lancer les concours d'architecture là, nous avons commencé à travailler avec les lycées et collèges, et à cet égard nous nous sommes rendus compte de deux choses, c'est que bien sûr parmi les plus jeunes publics, la peur elle est là, bien sûr, la peur elle est là, mais ce qui domine c'est pas ça, ce qui domine c'est le fait que le terrorisme fait partie de leur quotidien, en tout cas fait partie de leur horizon, ce qui est déjà un élément extrêmement important, et l'idée de comprendre, voire d'agir, alors agir en faisant une exposition, en y réfléchissant, en discutant avec leur professeur, enfin peu importe, est un élément qui va permettre de prendre un peu de champ et de distance avec cette peur. Et voilà, pour nous, c'est un objectif tout à fait fondamental. sans même ajouter ce qui est encore un autre sujet, que évidemment un tel lieu doit prendre en ligne de compte la question de la peur et donc de la sécurité, tout ça. Mais ça, c'est encore un autre registre. Dans cette réflexion sur le musée mémorial du terrorisme et sur cette peur, il y a la question du temps. Enfin, historien que vous êtes, vous travaillez sur le temps. Denis Pechanski, vous avez coordonné avec Laurent Nathiez et Cécile Auchard cet ouvrage 13 novembre, des témoignages, un récit chez Odile Jacob. Il y a le moment très très très très court de l'attentat, brutal, violent. Et c'est cette réflexion sur un temps beaucoup plus long qui permet de saisir ce qu'est cet attentat, ce moment court. Mais il y a deux temps. Il y a le temps d'avant, pour comprendre comment on en est arrivé là, et le temps d'après, pour la mémoire. Est-ce que ça rentre en compte dans la construction même de ce, pas tant mémorial ici, que le musée du terrorisme ? Nécessairement, parce que la mémoire est dans l'histoire. Que la mémoire est une construction qui évolue, que finalement se succèdent ce que j'appelle des régimes mémoriels, des configurations structurées autour de telle ou telle figure. On le voit très bien quand on travaille sur la Seconde Guerre mondiale. On pense à des moments où c'est la figure du résistant qui est dominante, d'autres où c'est la figure de la victime juive, d'autres où il y a convergence mémorielle, d'autres où c'est Vichy qui interfère. Donc là, on comprend tout de suite, mais ça sera exactement la même chose avec le 13 novembre. Et c'est pour ça que dans notre objectif, là, le livre que vous évoquez, ce sont des verbatims à partir des premiers entretiens, la première vague d'entretiens qu'on a faite, puisque l'objectif est de retrouver 1000 personnes à 4 reprises en 10 ans. On a déjà fait 3 captations. Bon, il y a un retour assez extraordinaire, puisqu'il y a près de 80% des personnes qui reviennent à chaque fois. Or, on leur pose exactement les mêmes questions, forme audiovisuelle, avec l'INA, avec le CPAD, et on, d'ailleurs, France Culture étant partenaire, et l'idée et de voir comment évolue cette mémoire, et en particulier comment la mémoire individuelle évolue sous l'influence de la mémoire collective. Et également comment cette mémoire individuelle influe sur la construction d'une mémoire collective. Donc là, c'est une sorte de pari intellectuel, scientifique, mais qui renvoie à une réalité sociale et à la réalité de l'évolution des mentalités. Mais quoi qu'il en soit, faut toujours avoir en tête que la mémoire est dans l'histoire et qu'elle évolue avec l'histoire et qu'elle joue sur l'histoire. Prenons un autre exemple. Janvier 2015. La manifestation du 11 janvier, le dimanche. Il n'y a jamais autant de monde en France à manifester. Qu'est-ce qui a mobilisé les Français ? C'est la référence aux valeurs héritées de la Révolution française, c'est-à-dire la mémoire de ce qui fait ciment, en quelque sorte, dans notre nation, dans notre société, va être un facteur de mobilisation pour une protestation contre des attentats de 2015. Alors après, on s'interroge, est-ce que ça dure ou pas ? Est-ce que véritablement ces valeurs partagées sont vraiment partagées ? Mais ça, justement, ça aussi évolue avec le temps. Est-ce que ces valeurs sont partagées ? C'est la question même de la mémoire, mémoire plurielle. La mémoire, par définition, est plurielle. Elle est celle de l'individu, celle de son groupe, son univers social, celle d'une collectivité. Elle est nombreuse. Henri Rousseau, est-ce que dans ce musée mémorial du terrorisme, il y a une réflexion sur ces différentes mémoires, sur cette complexité et même de l'évolution de la mémoire du terrorisme ? Oui, bien sûr, parce que le musée mémorial lui-même s'inscrit dans une période de l'histoire de la mémoire. Enfin, c'est presque une lapalissade, mais je préfère y insister. Le projet lui-même de musée mémorial, qui essentiellement a été souhaité et voulu par de nombreuses victimes et des associations, qui a été ensuite porté par les pouvoirs publics et par le président de la République, est la conséquence d'une séquence qui s'est ouverte en 2012, qui est donc avec les attentats de Toulouse et de Montauban, qui a connu son paroxysme avec les attentats de 2015 et de 2016. Et donc on s'est rendu compte à ce moment-là, on a une prise de conscience, qui est tout à fait classique dans l'histoire de la mémoire, qu'il fallait prendre en compte ces événements et pas simplement sur le plan de la réaction, de la justice, qui joue un rôle très important, mais aussi sur le plan mémorial. Et donc c'est à ce moment-là qu'a été imaginé, ou quoi, on a demandé en tous les cas de réfléchir à une politique de mémoire, en termes relativement contemporains, autour des victimes du terrorisme. Voilà. Donc ça c'est déjà une première chose. Le musée lui-même est inscrit dans cette histoire de la mémoire qui n'est pas uniquement française, qui est en général européenne, voire mondiale. Bon, la deuxième chose pour répondre à votre question, c'est que cette mémoire est présente dans l'exposition. C'est-à-dire, il serait absurde, d'ailleurs c'était même quasiment, c'était intuitif, et d'ailleurs Denis Péchanski y a participé lorsqu'on a commencé à réfléchir à l'exposition permanente. La mémoire est un objet d'histoire. Je dis ça aujourd'hui, je l'ai dit il y a déjà quelques décennies, et j'étais pas le seul. Bon, là, on la prend en compte, c'est-à-dire ça fait partie des objets, des objets au sens des éléments que nous essayons d'expliquer, et nous essayons d'expliquer que oui, il y a une forme de rupture. Depuis une dizaine d'années, on s'intéresse beaucoup plus à la question du terrorisme, pour d'évidentes raisons que je viens de rappeler, qu'on s'y intéressait auparavant. Avant 2015, il y avait 5 plaques dans Paris commémorant des attentats importants qui avaient eu lieu dans la capitale. Depuis, évidemment, ces plaques se sont multipliées, les politiques de mémoire se sont multipliées, les lieux de mémoire se sont multipliés, et je dis au passage d'ailleurs que le musée mémorial a une fonction particulière, c'est de trouver un lieu unique pour l'ensemble des attentats depuis 50 ans, depuis 1974, qui n'enlève rien à la spécificité de chacun des lieux qui commémorent un attentat précis, par exemple les plaques qui sont en face du Bataclan ou les plaques en mémoire de telle ou telle victime du terrorisme. Donc pour nous, la question de la mémoire... Et puis, une dernière chose qui est très importante, c'est que ce musée, c'est pour ça qu'on veut faire un musée, veut remettre en mémoire des attentats anciens. Dans son projet, Denis Péchanski montre très bien comment sur le seul 13 novembre 2015, l'attentat du Bataclan a subsumé, pardon cette expression un peu savante, les autres attentats qui ont eu le même jour. Mais imaginez ce que représente l'année 2015 par rapport à l'histoire du terrorisme sur 50 ans. Donc notre idée, c'est aussi de rappeler que la France, et pas simplement la France, parce que c'est un musée qui s'intéresse à la dimension mondiale du terrorisme, nous vivons avec le terrorisme, j'ai envie de dire depuis toujours, mais en particulier depuis une cinquantaine. En tous les cas, ça fait partie de l'histoire contemporaine, et c'est aussi une façon de remettre en mémoire des attentats oubliés. Oui, les attentats oubliés, et puis ces attentats qui, comme celui du 13 novembre, deviennent l'attentat pour le Bataclan emblématique. En eux-mêmes, ils résument un phénomène beaucoup plus complexe, Denis Péchanski. Oui, et ça pose problème. C'est-à-dire qu'on a une double condensation mémorielle, expression que j'ai bâtie autour de ce que j'observais avec mes collègues sur les évolutions de l'opinion. Une première condensation, quand on pose la question quels sont les attentats qui vous ont plus frappé depuis l'an 2000, vous apercevez que de plus en plus, c'est le 13 novembre. Le 13 novembre qui l'emporte, entre guillemets, sur le 11 septembre qui, malgré tout, en continue une sorte de matrice du 21e siècle. Et puis, le troisième, sur les attentats de janvier, qui a une évolution sinusoïdale. C'est assez intéressant parce que tous les mois de janvier, on fait aussi un sondage en janvier, un sondage en juin. Le mois de janvier, on a l'impression que les Français se disent « Ah oui, puis il y a janvier, pourquoi ?» Parce qu'il y a commémoration, il y a médiatisation, et puis après ça retombe. Et ainsi de suite, à la différence de l'évolution linéaire de 13 novembre. Une deuxième condensation mémorielle, quand vous posez la question quels sont les lieux du 13 novembre, vous avez, on vous dit, Paris, au sens large, très flou, ou bien Bataclan. Et on a une sorte de disparition du Stade de France et des terrasses. Et c'est très grave, parce que c'est la double peine. D'abord, pour les rescapés, et puis pour les familles, les familles endeuillées. Parce que non seulement ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, mais en plus, ils ont bien conscience qu'on les a oubliés, en quelque sorte. Et là, on le voit très bien tout au long de ces années, et on va voir aussi, parce que là, on n'a pas encore les résultats, on a pris volontairement un décalage, quelle va être la conséquence du procès. Parce que le procès exceptionnel, qui a duré de septembre à fin juin, enfin septembre 2021 à fin juin 2022, couvert par tous les journalistes. Bon, on a comme une sorte d'illustration de ce sur quoi on travaille. bon, sur la mémoire. D'abord, sur cette interaction entre l'individuel et le collectif. Pourquoi ? Parce que les journalistes construisent leur récit, leur compte-rendu, à partir des témoignages, évidemment, pendant le procès, mais aussi en parallèle, qui peuvent recueillir de témoins individuels. Ils forment une sorte de grand récit partagé, parce qu'il y a eu un superbe boulot, d'ailleurs, soit dit en passant, qui était fait par l'ensemble des journalistes, mais ils se retrouvent en gros à partager le même récit, et ce récit partagé, ils vont le renvoyer à la société française, puisque on écoute évidemment les radios, les télévisions, on lit les journaux, on regarde Internet. Or, ils renvoient un grand récit, et d'une certaine façon, ils participent à la construction d'une mémoire collective qui va être celle de chacun des citoyens, et donc une mémoire individuelle. Cette dialectique entre l'individuel et collectif est absolument cruciale, et ce qu'on va essayer de voir maintenant, si par exemple, ce qui est apparu lors du procès, les oubliés du Stade de France, les oubliés des terrasses, est-ce qu'ils vont réémerger dans la mémoire de ces attentats tels qu'on va les questionner maintenant? C'est pour moi tout à fait passionnant. Et ce que je repère aussi, c'est qu'à partir du moment, et c'est pour ça qu'il y a une dimension aussi neuroscientifique dans nos travaux, puisqu'on je copilote avec un neuropsychologue, Francis Eustache, ils font un travail sur le trouble de stress post-traumatique. Bon, ce qui est très intéressant à noter, c'est que une mémoire individuelle qui n'est pas relayée par la mémoire collective, ça développe des pathologies beaucoup plus que si il y a un relais dans la société. Et ça, c'est extrêmement frappant. Je ne vais pas dire évidemment que quand on en parle, tout va aller mieux, mais simplement, on repère très clairement qu'un oubli est un facteur d'aggravation des pathologies de la mémoire. Donc c'est un point sur lequel je me permets d'insister parce que ça renvoie aussi à nos responsabilités. Quand par exemple on ne couvre pas le procès des attentats de Nice, qu'on n'en parle pas, évidemment ça a des conséquences. Quand il n'y a pratiquement pas de journalistes, quand il n'y a pas de relais, quand même l'État est plus ou moins absent de cette mémoire-là, évidemment ça va avoir des conséquences. Donc c'est là où nos responsabilités à tous est engagée. Et ça revient au sondage que j'évoquais. On se posait la question, mais les attentats de Nice, quelle mémoire est restée? Eh bien, on s'aperçoit, en comparant avec tous les autres, que bon, ça démarre moins haut, si je puis dire, hein, qu'on leur dit quels sont les trois attentats qui vont le plus marqué depuis l'an 2000. Bon, 6 mois après l'événement, on est à 45%. Le 13 novembre, 7 mois après l'événement, on était à 80%. Bon. Mais surtout, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'un an plus tard, 2 ans plus tard, on est entre 14 et 15%. Donc là, ça doit nous interroger. Et ça, évidemment, doit nous interroger aussi comme citoyens. Oui, cette responsabilité citoyenne, responsabilité de l'historien, de l'historienne aussi, pour apporter du sens à cette histoire-là. Denis Péchanski, vous évoquez ces oubliés. Ah, bien sûr, il y a le mémorial, et c'est formidable, ce mémorial, inscrire les noms, mais ça ne suffit pas. D'où l'association du musée. Henri Rousseau, c'est vraiment ça, c'est donner du sens. Un nom écrit sur un mur, c'est très bien pour se souvenir, mais ça ne suffit pas pour comprendre l'événement. Non, bien sûr, encore une fois, le musée vient en complément, et j'en profite pour dire, il y a au fond très peu de musées dans le monde consacrés au terrorisme. En tous les cas, des actes terroristes, il y en a à peu près une demi-douzaine, et le projet français a ce site particulier qui est un des premiers à essayer de prendre en ligne en compte le phénomène dans son ampleur, donc sur une durée. Bon, encore une fois, on peut discuter du périmètre chronologique que nous avons choisi, mais j'aimerais revenir sur un point qui est une des difficultés que nous avons rencontrées, parce que c'est un sujet difficile, je préfère le dire, pour de multiples raisons, et notamment sur la question de la hiérarchie des attentats. Alors, l'historien ou historienne a tendance à privilégier, évidemment, l'événement majeur, enfin l'événement monstre, pour reprendre des catégories que nous connaissons par cœur. Dans un musée comme celui-là, il faut faire très attention, parce que la logique pourrait-elle celle d'un cours ou d'un essai historique n'est pas celle qui va prévaloir dans un musée qui est ouvert à tout le monde. J'insiste vraiment sur ce point. Et donc nous avions une difficulté que nous avons, que nous sommes en train, je l'espère, de résoudre, dans un parcours qui va, je ne sais pas, faire peut-être une heure et demie, deux heures, ce qui est déjà assez conséquent, sur à peu près 800-850 mètres carrés, et où l'histoire ne tient qu'une partie du sujet, parce que nous avons d'autres sujets, d'autres manières d'aborder le problème. Comment faire en sorte qu'on ait le sentiment qu'on part de tous les attentats, ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Pour ne prendre que le cas français, on les évalue à peu près à 4000 sur 50 ans. Donc ça n'a pas de sens de vouloir les mentionner tous. Et donc avec ce risque qu'un visiteur, une personne, entre dans le musée et se sente immédiatement frustré. Où est l'attentat qui m'a personnellement touché ? Alors, c'est une des raisons pour laquelle on a réfléchi et on est en ce moment dans l'idée, enfin, je pense qu'on va pouvoir le mettre en œuvre, d'avoir dès l'entrée du parcours une base de données qui est conçue par notre historienne, si je puis dire, puisque elle travaille avec la mission depuis le début, Jenny Raffly-Grenouillot, qui est une des spécialistes en France de l'histoire du terrorisme, de concevoir une base de données recensant la totalité des attentats, avec un descriptif très rapide, bien sûr, une scénographie très simple, interactive, c'est-à-dire vous appuyez sur une date, sur un nom, sur un lieu, et vous retrouvez la fiche en question. Ce qui permet de dire, c'est pas simplement un artefact muséographique, c'est aussi un choix politique de dire, nous n'écartons aucun attentat. Il n'y a pas, d'un point de vue moral, de différence entre les victimes. Il y a bien sûr des différences dans les conséquences. Les événements ne sont pas de même nature ni de même intensité, ça va de soi. Mais dans ce musée, et c'est là où la façon dont nous abordons l'histoire a aussi une dimension mémorielle. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une éthique particulière, parce que c'est un lieu de mémoire, parce que c'est un musée mémorial, que nous n'aurions pas si nous étions, par exemple, en train de faire un cours ou d'écrire un livre sur l'histoire du terrorisme. Et pour nous, ça, c'est très important. Oui, c'est important de bien saisir cette ambition, ce projet d'un mémorial, musée du terrorisme, musée mémorial du terrorisme. Les deux sont intimement mêlés. C'est un musée mémorial qui va ouvrir dans quelques années, c'est à Suresnes, hein, à l'ouest de Paris, avec, puisque c'est de l'histoire, de la chronologie, et vous l'avez rappelé Henri Rousseau, c'est 50 ans. Ben, 50 ans en arrière, ça nous conduit au drugstore. L'explosion a lieu à l'intérieur des boutiques du drugstore Saint-Germain. Elle n'a pas eu lieu sur le trottoir, elle a eu lieu à l'intérieur des boutiques du drugstore Saint-Germain. Est-ce que vous avez vu sortir quelqu'un ? Et personne n'a rien vu. Tout le monde a entendu une explosion. Immédiatement, ça a été l'affolement, la panique. Et il y avait des gens qui baignaient dans le sang. Mais personne n'a vu quelqu'un déposer un engin ou lancer une grenade. J'ai entendu une grosse déflagration et je me suis trouvé sur le trottoir. Et quand je me suis retourné, par la déflagration. Par déflagration ou par projeté, par, je ne sais pas, enfin je me suis retrouvé projeté, je me suis trouvé sur le trottoir. Et qu'est-ce que vous avez vu à ce moment-là ? Eh bien, moi quand je me suis retourné, j'ai entendu des cris. Vous étiez à l'intérieur ? Malheureusement, oui. Et qu'est-ce que vous avez vu ? Tout. Et c'était horrible. L'attentat du drugstore, nous étions en 1974, le 15 septembre 1974. Alors là, c'est le quartier de Saint-Germain-des-Prés, hein, c'est en plein cœur de Paris. Là, nous sommes sur le temps très court de l'annonce. C'est ce que l'on évoquait, hein, cette narration par les journalistes de l'événement. Mais il n'y a pas de portée ici. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'essentiel. Pourquoi ces 50 ans pour cette réflexion autour du musée mémorial du terrorisme ? Alors voilà, c'est une question importante, c'est le périmètre chronologique que nous avons choisi. Et là, il faut que je sois un tout petit peu précis parce que ça, c'est un sujet qui pose question, même parfois, qui peut donner lieu à des controverses. En ce qui concerne le mémorial, c'est-à-dire la reconstitution de toutes les victimes décédées, nous avons pris comme point de départ l'année 1974 et donc le point de départ, c'est l'attentat du drugstore Publicis commis par Carlos et d'autres. Bon, parce que c'est tout simplement la date qui a été choisie par le législateur au moment de la création de la médaille nationale pour les victimes du terrorisme. Alors pourquoi cette date, qui peut d'ailleurs être contestée par les historiens, hein. Je vous promets d'ailleurs à dire que voilà, on pourrait y réfléchir, mais peu importe. C'est un choix qui a été fait, c'est un choix qui se justifie par cette idée que c'est le premier attentat entre guillemets à l'aveugle, je mets les guillemets parce que ça, ce type d'expression pose parfois des problèmes, depuis la guerre d'Algérie. Alors déjà quand j'ai dit ça, vous voyez toutes les questions qui arrivent derrière. Alors en ce qui concerne le mémorial proprement dit, nous nous sommes appuyés sur cette décision décision parce que voilà, nous nous sommes alignés sur une décision qui était antérieure à la création du musée mémoriel. Et même pour être plus précis, puisque l'Alameda a été créée, sauf erreur, en 2006, mais elle a été le périmètre de son application a été étendu en 2019, au moment même où a été décidée la création du musée mémoriel, et remonté donc à 1974. Bon, ça c'est pour le mémorial. Sur le plan historique, ça n'a pas véritablement de sens, parce que on peut dire, après tout, l'attentat de 1974 s'inscrit dans une séquence qui commence en 68, les premiers détournements d'avions, les premiers mouvements dissidents de la cause palestinienne, les premiers mouvements terroristes d'extrême-gauche, etc., ou d'extrême-droite, commencent avant. Donc ce que nous avons fait, nous nous sommes alignés pour l'exposition permanente, j'insiste vraiment sur ce point, sur cette chronologie, d'abord pour des raisons pratiques. Si nous avions dû mettre dans une exposition permanente, quand même avec une surface relativement limitée, l'histoire du terrorisme depuis, je sais pas, mettons depuis la Révolution française, depuis l'origine du terme, ça aurait été complètement noyé d'une certaine manière la problématique. Donc nous nous sommes concentrés pour l'exposition permanente sur ce qu'on appelle le terrorisme contemporain, qui a des caractéristiques, qui est mondialisé, qui fait de la terre entière, du globe, de la planète, un champ de bataille, ce qui est une relative nouveauté. En revanche, nous ne nous privons absolument pas de traiter toutes les autres périodes, en particulier la guerre d'Algérie, puisque c'est une question qu'on nous a constamment posée, dans des expositions temporaires, en insistant sur le fait que notre problématique, c'est le terrorisme. Ce n'est pas l'ensemble de l'événement. Là-bas, je prends la guerre d'Algérie, j'anticipe à la limite peut-être des questions, mais en prenant la guerre d'Algérie, si on avait mis la guerre d'Algérie, la première chose qu'on aurait dû faire, c'est d'abord d'expliquer la guerre d'Algérie, d'expliquer le colonialisme, d'expliquer la décolonisation, avant d'expliquer pourquoi, dans cette guerre, la question du terrorisme a joué un rôle fondamental. Ça n'est pas le propos. Voilà, ça n'est pas le propos, mais ça pourra l'être dans une exposition temporaire avec un angle d'attaque bien précis qui sera la question du terrorisme. Donc voilà un peu comment on a résolu le problème. Le problème est insoluble. Un musée, c'est un lieu où vous devez, comment dire, garder en mémoire qu'un visiteur ne peut pas absorber une quantité trop grande d'informations. Je vais vous donner un exemple personnel, puisque je visite beaucoup de musées, enfin depuis toujours et particulièrement depuis quelques années. J'ai visité récemment, c'était en avril dernier, le nouveau musée consacré à la culture afro-américaine à Washington, qui est un lieu absolument exceptionnel, d'une architecture exceptionnelle, qui a donné lieu à des débats absolument considérables, qui a une partie historique qui est très développée. J'étais pas le seul, je visitais le lieu en compagnie de deux autres directrices de musée. Nous avons été, quelle que soit la qualité de l'information et l'importance, submergés par l'information. Submergés. Et donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, surtout pour des gens qui connaissent un peu le monde des musées, sur les musées d'histoire, qui ont tendance à vouloir être exhaustifs, à vouloir, parce qu'à chaque fois, la peur, c'est de dire « Ah oui, mais si on ne parle pas de ça, on va nous reprocher ceci. » Nous avons pris le parti d'accepter le reproche. Nous aurons des reproches, nous aurons des lacunes, nous aurons des choses qui ne seront pas suffisamment expliquées. Mais un musée aujourd'hui, c'est pas simplement une exposition permanente ou de référence. C'est aussi des expositions temporaires, c'est un site internet, c'est des expositions hors les murs, c'est tout un environnement. Dans l'environnement général du musée mémorial, nous essayons d'aborder les choses autant que possible dans leur diversité et leur exhaustivité. Mais en ce qui concerne l'exposition de référence, nous faisons très attention que le visiteur sorte de là en ayant le sentiment qu'il a appris quelque chose et qu'on ne l'a pas, encore une fois, inondé d'informations. Oui, et puis ce musée mémorial, c'est aussi pour inciter des actions, des initiatives de tous les côtés. Ah, tout à fait, bien sûr. Dans les collèges, dans les lycées. Et je suis complètement d'accord avec vous, Henri Rousseau. On ne va pas au musée pour lire de longs textes sur des murs. Sinon, on prend des livres. Hein. On lit Face au passé, c'est sur la mémoire contemporaine, votre ouvrage chez Belin. Voilà, si on veut lire un livre, on lit un livre. Mais on ne va pas au musée pour lire un livre. Denis Péchanski, dans le travail préparatoire de la création de ce musée mémorial, il y a vraiment ces contraintes, en fait, muséales, tout simplement, où il faut s'adapter, ça rentre en compte sans arrêt. J'imagine que ça arrive après le travail de l'historien. La recherche avant tout, l'analyse, et puis après on voit comment on peut adapter ça dans un lieu muséal. Sauf qu'il est préférable de mobiliser des gens qui ont une petite habitude des mémoriaux et de ce triangle assez passionnant de l'histoire, mémoire et politique par le biais de ces musées mémoriaux, puisque à chaque fois on a une initiative politique, une volonté politique. Là, pour le musée mémorial, l'origine de l'origine, si je puis dire, c'est autour d'Elisabeth Pelzé, qui était à l'époque déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, et qui avait été sollicitée par le président de la République. On était sans doute fin 2017 tout début 2018, je crois fin 2017, en lui disant voilà, j'aimerais bien qu'on résolve un problème, trouver une date qui fasse l'unanimité pour rendre hommage aux victimes du terrorisme. Bon, on est parti de là, il y a une petite commission qui s'est réunie autour d'Elisabeth. Et au fur et à mesure, ça s'est étendu et on a rendu un rapport à l'été suivant, ou même au tout premier jour de septembre de 2018, avec comme proposition, comme préconisation, bon, une date, le 11 mars, puisque c'était la date européenne choisie pour les victimes du terrorisme, ce qui évitait de croiser évidemment tel ou tel attentat singulier, particulier. On a souhaité que le terrorisme soit intégré dans les programmes scolaires, donc de terminale et de troisième. Le ministre de l'Éducation nationale alors a été entièrement favorable. Et puis, avec à l'appui des visites de toute une série de mémoriaux, on a proposé que soit lancée l'idée de construire un musée mémorial. Et dès la commémoration du 19 septembre 2018, le président de la République a repris ces éléments. Et effectivement, dans la foulée, c'est rentré dans les programmes scolaires, ce qui pose d'ailleurs pas mal de problèmes parce que les profs ne sont pas formés à ce sujet-là. D'où un nouveau défi. Et puis, l'idée du musée mémorial a été reprise, outre la question de la date qui était réglée. L'idée du musée mémorial a été lancée, d'où la sollicitation qui a été lancée vers Henri Rousseau pour présider cette nouvelle étape, en quelque sorte, voulue par le président. Donc c'est ça qu'il y a derrière. Et pour celui ou celle qui travaille sur ces questions-là, qui a un petit peu l'habitude, bon, il s'avère que j'ai présidé le conseil scientifique du mémorial de Caen, du mémorial du camp de Rivesaltes, là aujourd'hui de l'ancienne gare de déportation de Bobigny, sont partis les Juifs à partir de 1943. Donc ce sont des questions, moi, qui me passionnent, parce que effectivement on doit faire avec la question de la transmission. Et on doit faire aussi avec les questions, entre guillemets, d'opportunité politique ou de choix politique. Le choix fondamental d'abord d'avoir voulu un lieu de mémoire et un musée, en l'occurrence. Et ensuite, les échéances qu'il faut respecter et les contraintes. Moi, j'ai souvenir du regretté Christian Bourquin, qui était président du Conseil général des Pyrénées-Orientales, puis président du Conseil régional après Georges Frêche, et lors d'une réunion avec toutes les autorités, on s'interrogeait sur la date de l'inauguration. Évidemment, c'était lié aussi à des contraintes politiques. Il a dit « ça sera inauguré telle date ». Point. Après, il faut suivre. Et je pense que la question se pose aussi dans les mêmes termes pour le musée mémorial du terrorisme, parce que derrière, il n'y a pas simplement, on va dire, le choix d'une date symbolique qui pourrait être à proximité d'élections, même si je ne suis pas sûr que ça soit absolument fondamental, en l'occurrence, mais c'est aussi une façon de mobiliser, en quelque sorte, toutes les bonnes volontés avec une échéance précise. Et là, on ne revient pas sur cette échéance-là. C'est très important de jouer sur ces symboles et de comprendre surtout leur sens, parce qu'il faut encore les comprendre. Date symbolique, lieu symbolique, monument symbolique, très bien. Mais si l'on ne comprend plus le sens, tout ça devient beaucoup plus complexe. Dis-moi, la statue de la République, elle est bien place Carnot ? Oui, mon chéri. Alors pourquoi la statue de Carnot, elle est place de la République ? Ils auraient pas pu s'arranger entre eux. C'est toute une histoire. Raconte-la. La place Carnot, où il y a la statue de la République, est dédiée à Lazare Carnot. Ben oui, et alors? Alors, quand son petit-fils, Sadi Carnot, fut assassiné par un anarchiste Caserio... Qui c'est, les anarchistes? Des gens méchants, mon chéri. On décida d'élever une statue à Sadi Carnot, et comme on ne pouvait pas déplacer celle de la République, qui était place Lazare Carnot, alors on a mis la statue de Sadi Carnot place de la République. Tu as compris? Pas du tout. Pas du tout compris. C'est dans l'émission Lyon retrouvé en 1972 à propos de Sadi Carnot. Sadi Carnot, la fin du 19e siècle, l'attentat de 1894, attentat anarchiste. C'est très important aussi de se poser pour comprendre l'attentat qui, selon moi, est aussi un hommage aux victimes. Vous avez évoqué Henri Rousseau tout à l'heure, quand on parlait de l'attentat du drugstore en 1974, Carlos et ceux qui étaient autour de Carlos. On en arrive même, sur les attentats du passé, à ne plus saisir qui est responsable de l'attentat, qui a commis cet attentat dans le RERC. Mais oui, dites-moi, qui c'était. Vous voyez, il y a ça aussi dans la volonté de faire un musée, c'est simplement donner du sens à une tragédie. Oui, mais alors là, les difficultés commencent. Parce que justement, nous ne sommes pas qu'un... Enfin, le musée ne sera pas qu'un lieu d'histoire, je le rappelle. Il est aussi partie intégrante et intégrée d'un lieu de mémoire où la parole des victimes est pour nous extrêmement importante. On a eu, par exemple, un débat courtois, mais une vraie discussion sur faut-il mentionner dans le musée le nom des terroristes. Alors, vous imaginez bien, l'historien que je suis réagit, mais au quart de tour, vous imaginez bien ma réponse, c'est un lieu d'histoire, et donc évidemment doit figurer le nom des terroristes. Une fois qu'on a dit ça, comment, sous quelle forme, avec quels effets, parce que nous sommes obligés d'anticiper, contrairement d'ailleurs, beaucoup plus à ce qu'on fait lorsqu'on écrit un livre, par exemple, aux réactions des visiteurs. Je vais prendre un exemple, c'est un débat qui a existé au mémorial du 11 septembre à New York. Denis le sait bien, puisque nous avons un peu suivi l'élaboration de ce musée mémorial, qui est un des exemples auprès duquel on s'inspire. Eh bien, il y avait une sorte de refus. Il ne fallait pas mettre en évidence le nom du commando du 11 septembre, mais en même temps, il y avait quelque part une absurdité, puisque d'abord, le nom de Ben Laden était quand même dans toutes les mémoires. Et donc, ils ont fait un choix assez étrange, qui peut être contestable, c'est de mettre le nom de l'ensemble des membres du commando à une hauteur qui n'est pas celle de la hauteur habituelle. Donc, c'est à peu près 2 mètres, 1,80 m, 2 mètres, à laquelle on met les panneaux, les images, etc. Ce qui avait pour effet tout à fait pervers et inattendu, c'est que c'était les enfants qui voyaient en premier le nom des terroristes. Bon, je cite ça, c'est presque une anecdote, mais c'est un des enjeux, parce que nous devons faire de l'histoire, nous devons mentionner évidemment les auteurs, nous devons d'autant plus le faire qu'une des sources majeures pour le musée, ça s'est fait notamment parce que Elisabeth Pelset, dont parlait Denis Péchanski, qui est la directrice générale de la mission, est une magistrate, et la dimension judiciaire, parce que nous utilisons beaucoup du matériaux judiciaires est présente. Et donc, il faut faire attention, d'autant plus que ces noms sont cités, par définition. Si vous citez un procès, vous citez bien sûr les victimes, mais vous citez aussi l'accusé ou les accusés. Et donc, toute la question, on en revient un peu à la question de départ, qui est presque banale pour un musée d'histoire, c'est quel type de médiation? Comment mettre ça en scène? Comment donner l'information sans donner le sentiment que nous allons soit être dans une forme de déni, d'euphémisation, c'est l'un des risques, on ne le dit pas trop. Faites cette expérience, je l'ai faite tout à l'heure en arrivant, j'étais arrivé un peu tôt et je révise, c'est un vieux réflexe de l'ancien agrégatif que j'ai été il y a fort longtemps, donc je révisais, je me suis rendu compte que lorsque vous regardez des attentats sur des sites type Wikipédia ou autre, les causes de l'attentat, les raisons, les intentions sont rarement explicitées. Donc on va vous donner des tas d'informations sur le nombre de victimes, sur le lieu, etc. Mais le pourquoi du comment, en général, vous avez... Bon. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup insister. Mais il faut faire très attention, évidemment, à ne pas valoriser et à ne pas donner le sentiment qu'on fout un attentat. On s'en souvient par le nom du tueur, ce qui est le cas pour certains attentats, et non par le nom de ou de la victime. Voilà, c'est un des défis auxquels on doit faire face, qui est un défi qui est celui de pratiquement tous les musées mémoriaux consacrés aux terroristes dans le monde, avec cette différence que la grande majorité, j'ai parlé d'une demi-douzaine, sont consacrés à un attentat ou une série d'attentats, alors que nous couvrons encore une fois une très longue période. Denis Péchanski. Je rebondirai sur la fin de l'intervention d'Henri pour évoquer un événement que sans doute tout le monde a en mémoire. On est dans la cour des Invalides, le président de la République, Emmanuel Macron, rend hommage à un lieutenant-colonel, qui serait colonel Beltrame, colonel de gendarmerie, et qui a été victime d'un attentat terroriste. Enfin, je ne vais pas revenir dans le détail, à Trèbes. Mais retenons du discours du président une chose. Il dit « Je ne veux pas qu'on se souvienne du nom du terroriste, je veux qu'on se souvienne du nom du héros. » Et de fait, personne ne se souvient du nom du terroriste, et pour être très honnête, moi non plus. Bien. En travaillant quand même un tout petit peu sur le sujet. Bon. Et pourquoi il a dit ça? C'est évidemment par référence, aux attentats de 2012 et à ce qu'on appelle l'affaire Merah. Parce que tout le monde se souvenait du nom de Merah. Personne n'avait en mémoire les noms des victimes à Toulouse, à Montauban, les militaires à Montauban, les gosses et leur père dans cette école juive de Toulouse, les Sandler, les Monségo, personne n'avait ça en mémoire. Tout le monde avait en mémoire le nom de Merah. Et l'effet pervers, c'est que finalement, le personnage de Merah est devenu une sorte de héros dans un certain nombre de cités en France. Donc, on voit bien qu'il y a derrière les questions de mémoire toutes bêtes, même des noms, des enjeux majeurs et qui sont aussi des enjeux politiques. André Rousseau. Oui, je voudrais ajouter quelque chose qui est très important, c'est que dans le phénomène terroriste, la médiatisation est centrale. Alors, j'enfonce pas une porte ouverte. Donc, tout fait aujourd'hui, la médiatisation est importante. Dans le cas du terrorisme, elle est centrale. Et donc, c'est pas pour dire que vous, journalistes, avez une responsabilité particulière. Nous avons tous une responsabilité. Mais c'est la façon dont l'événement terroriste va être saisi dans son immédiateté, avec souvent, la plupart du temps, les journalistes sont évidemment démunis, c'est qu'ils sont comme tout le monde, devant la sidération, devant l'incompréhension, etc. Et ça, c'est un élément qu'on veut expliquer, parce que l'une des difficultés pour nous, musées, c'est que la question des médias, et notamment la question des images, est à la fois centrale, parce que nous avons beaucoup d'images. Il y a beaucoup d'images, non pas des attentats, encore que, si, le 11 septembre, par exemple, mais de ce qui se passe immédiatement après. Nous avons, toute une réflexion sur la manière de montrer la violence. Mais surtout, ces images font partie du mode opératoire des terroristes, on le sait bien. Et donc, nous sommes obligés de montrer. Un musée, c'est un endroit où on montre. C'est très important. C'est pas un livre. Un livre, on lit. Vous le disiez tout à l'heure, ça n'est pas. On essaie de faire au maximum pour que ce ne soit pas un livre au mur. Donc, un musée, c'est un endroit où on monte, on expose, voilà, où il y a de l'émotion. C'est fondamental. Si vous entrez dans un musée et vous n'avez aucune émotion de par vos sens, visuels, tactiles et autres, bon. Mais en même temps, il faut faire très attention que l'émotion que nous allons essayer de provoquer, de susciter plutôt, à travers le matériau des images et des images d'archives, ne soit pas quelque part une redondance par rapport à ce que les terroristes ont souhaité faire. Parce qu'encore une fois, ce qu'ils cherchent, la plupart du temps, ça n'est pas simplement de tuer. Bien sûr qu'ils veulent tuer, blesser, faire mal, détruire, mais ils veulent faire évidemment parler d'eux. Ils veulent créer un événement qui va quelque part déstabiliser la société. Or, nous devons utiliser ces images qui ont servi à déstabiliser la société ou pour lesquelles on voulait la déstabiliser pour, au contraire, la rendre plus stable. Oui, sorte de paradoxe. C'est ce paradoxe et tous ces défis que vous avez clairement évoqués l'un et l'autre. Henri Rousseau, Denis Péchanski, vous êtes tous les deux directeurs de recherche au CNRS avec ces ouvrages 13 novembre, des témoignages au récit, Denis Péchanski, et vous, Henri Rousseau, face au passé, un essai,